Chapitre 32e. Cependant, Pâques approchait, et les vacances que les tribunaux prennent à cette époque allaient donner quelques jours de liberté à Louis Mérot. Ordinairement, il allait passer la semaine de Pâques à Paris, réservant ses grandes vacances pour faire les voyages classiques du jeune magistrat, la Suisse, les bords du Rhin, la Hollande. Cette année-là, Madame Mérot décida qu'au lieu d'aller à Paris, il viendrait s'établir à Rudemont. Elle avait une expérience à faire, et le moment lui paraissait venu de la tenter. En effet, il importa ses projets de savoir quels étaient au juste les sentiments de Louis à l'égard de Denise, et sur ce point, elle n'était nullement fixée. Une intimité d'une quinzaine de jours l'éclairerait. Pendant l'hiver, elle avait attentivement étudié son fils, mais sans jamais rien trouver de caractéristique qui pût lui apporter les indices qu'elle cherchait. Louis venait passer tous les dimanches à Rudemont, arrivant le samedi soir et partant le lundi matin. Mais pendant toute cette journée, il voyait fort peu Denise. Le matin, en effet, celle-ci allait à la messe avec son institutrice et, lorsqu'elle rentrait, le déjeuner était terminé. C'était le soir seulement qu'on se trouvait tous réunis, et cette réunion, précisément, empêchait toute manifestation franche des sentiments que Louis pouvait éprouver. Ce n'était pas devant le marquis, ce n'était pas devant l'institutrice aux yeux alertes et aux oreilles fines, ce n'était pas surtout devant son oncle Artème que Louis, au cas où Denise lui troublait le cœur, eût laissé paraître ce trouble. La seule remarque que Madame Mérot eût faite était justement une réserve voulue chez Louis. Il semblait que toutes les fois qu'il adressait la parole à Denise, il s'attachât à rester dans des relations de simple politesse. Souvent, elle lui avait fait des observations à ce sujet. Jamais elle n'avait pu obtenir d'autre réponse que celle-ci. « Je ne sais pas parler aux jeunes filles que je ne connais pas. »« Pourquoi ne fais-tu pas connaissance avec celle-là ? N'est-elle pas charmante ?»« Tout à fait charmante. »« Eh bien, alors ?»« Je suis, il me semble, avec elle ce que je dois être. »« Je ne suis plus un enfant. »« Elle est encore une petite fille. » Nous ne pouvons pas jouer ensemble, encore moins pouvons-nous causer sérieusement. Elle est trop jeune ou trop âgée. Je ne voudrais pas, pour le marquis, qu'il aime beaucoup, qu'on pût dire que tu la tiens à distance. Telle n'est pas mon intention, et mon cousin, je l'espère, ne se laissera pas tromper. Puis, toujours, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, il avait coupé là cette conversation, dont le sujet paraissait lui être pénible, ou tout au moins embarrassant. Pourquoi cet embarras ? C'était là ce que Madame Mérot voulait savoir, et les vacances de Pâques lui paraissaient propices à la satisfaction de sa curiosité. Seulement, pour cela, il fallait que Louis, au lieu d'aller à Paris, vînt à Rudemont. Arrêtée à ce projet, elle partit pour Condé-le-Châtel. Sur la place du château, vis-à-vis l'hôtel du Bœuf Couronné, le jeune substitut occupait, dans une maison d'apparence discrète et proprette, un appartement dont les fenêtres, qui donnaient sur la place même, était un sujet de curiosité pour une grande partie de la ville. Éclairé tous les soirs jusqu'à 11 heures, deux de ses fenêtres s'allumaient, dans les jours d'hiver, dès 4 heures du matin, et les rares habitants qui, à cette heure indue, descendaient la rue de l'Évêché, apercevaient, sous la lumière d'une lampe, un jeune homme assis devant une table, le substitut qui travaillait. « À quoi diable M. Mérot peut-il passer ainsi les nuits ?» C'était la question que chacun se posait. Ni le procureur impérial, ni le président, M. Bonhomme de la Fardouillère, ni les juges, M. Legrain et du Camp Paris, ne passaient ainsi les nuits au travail. Pourquoi le substitut ne dormait-il pas honnêtement dans son lit ? La nuit est faite pour se reposer. Les heures de la journée sont hélas assez longues pour qui sait les employer. Ce n'est pas naturel. C'est un ambitieux. Les choses avaient été si loin que le président s'était cru autorisé à intervenir. Ne vous singularisez pas, mon jeune ami, avait-il dit au substitut, avec cette noblesse de tenue et d'expression qui, chez lui, était due autant à l'étude qu'à la nature. « Ne vous singularisez pas, croyez-moi. Au lieu d'être une bonne note, cela pourrait en devenir une mauvaise. Nous savons, Dieu merci, ce qu'un substitut a à faire, et vous n'êtes pas accablé de besogne au point d'avoir besoin de passer les nuits. Des gens s'étonnent de voir tard dans la nuit, et de très bonne heure le matin, vos fenêtres éclairées. Et une seule réponse se présente à leurs questions, c'est que vous avez le travail difficile. » Il ne faut pas qu'on croie qu'un homme, qui avait l'avenir devant lui, a le travail difficile. Avez-vous jamais entendu dire que j'avais le travail difficile, moi ? Non, monsieur le président. C'est que j'ai toujours eu soin de cacher mon labeur et mes efforts, car j'ai fait des efforts, moi aussi. Mais en public, mon jeune ami, par-dessous la jambe, ça a été ma règle. Je vous la donne comme un bon conseil. Par-dessous la jambe, n'oubliez pas. Cependant, malgré ce bon conseil, le substitut avait continué à ne pas faire les choses par-dessous la jambe et ses fenêtres avaient toujours été éclairées. Le président ne s'était pas fâché ouvertement. Mais lui, qui jusqu'à ce jour avait été dans les meilleures dispositions pour le cousin du marquis de Rudemont, avait commencé à ressentir un certain mépris pour ce jeune présomptueux, et quelquefois il avait avec des intimes manifesté ses sentiments. « Méraud m'inquiète de plus en plus, » disait-il. « N'oublie pas, messieurs, que c'est ainsi que Robespierre a commencé. » Tout d'abord, ce propos avait paru légèrement exagéré. « Robespierre, Robespierre, c'était beaucoup dire. » Cependant, il y avait des gens qui, à la fin, l'avaient accepté. Après tout, pourquoi pas? Tout est possible avec un homme qui ne se conduit pas comme les autres, qui se singularise, selon l'expression du président. Et ce n'était pas seulement par son besoin de travailler que Louis Méraud se singularisait. C'était encore d'une autre manière, et celle-là, pour certaines personnes, n'était pas moins scandaleuse. Ainsi, M. de Bellemare, le substitut qu'il avait remplacé à Condé, était un garçon charmant, d'une tenue exemplaire, un véritable magistrat. Cela n'empêchait pas cependant que M. de Bellemare eût une maîtresse. La chose se passait avec une discrétion parfaite. Il ne s'affichait point, et c'était seulement à minuit, une fois par semaine, le vendredi, quand le mari était parti au marché d'Anneau, qu'il s'introduisait chez cette maîtresse. On le savait, on en parlait, la curiosité publique était satisfaite. Tandis que M. Louis Méraud n'avait point de maîtresse. On l'avait observé. On avait semé du sable fin devant la porte, soupçonnant que cette lumière allumée pouvait bien être une ruse pour masquer des absences. Mais il ne sortait point. D'un autre côté, personne ne venait chez lui. Quant à supposer qu'il pouvait exister des relations entre lui et ses propriétaires, on n'avait pas osé, malgré les hardiesses des imaginations provinciales. Ses propriétaires, en effet, étaient deux vieilles filles qui avaient dépassé la soixantaine et qui vivaient confites en dévotion. Pourquoi travaillait-il? Pourquoi n'avait-il pas de maîtresse? Ces deux questions que tout le monde se posait avaient exaspéré la curiosité. Elles étaient devenues des points d'interrogation que chacun portait plantés à un endroit plus ou moins sensible, et par là se trouvait justifié l'avertissement du président bonhomme de la Fardouillère, bien moins niais que Louis Méraud ne l'avait cru. On sait comment se forme l'opinion publique. Peu à peu, il avait été généralement admis que le substitut était un singulier personnage. Louis était fin. Il avait senti qu'on s'éloignait de lui. Alors, comme il avait conscience de n'avoir rien fait pour mériter cette antipathie, et comme d'un autre côté il était fier, il avait lui-même tenu les gens à distance en exagérant sa froideur native. Avec lui, les poignées de main étaient rares. En tout cas, elles n'étaient ni longues ni chaudes. Lorsqu'entre 4 et 5 heures il sortait du parquet, sa serviette de maroquin vert sous le bras, marchant posément, le menton pris dans un col roide, ganté de gants gris toujours frais, habillé de vêtements noirs qui lui étaient envoyés par un des bons tailleurs de Paris, personne, sur la place du palais, n'avait le désir de l'arrêter, même pour l'entretenir d'une affaire urgente. On le saluait de loin, et il soulevait son chapeau d'une certaine façon qui voulait dire que c'était l'organe du ministère public, qui rendait à messieurs les officiers ministériels la politesse qu'il avait reçue d'eux. Organe du ministère public. Il l'était en tout et partout, et la chose allait si loin qu'à l'hôtel du Bœuf Couronné, où il prenait ses repas, on avait agité la question de savoir si on le conserverait comme pensionnaire. En effet, il paralysait la gaieté et la bonne humeur de messieurs les voyageurs de commerce. Lorsqu'on le voyait, au haut de la table, mangeant gravement, sans adresser la parole à personne, on se sentait intimidé, si gaudissard, confus. On se taisait soi-même, et alors plus de ces bouteilles d'extra qui sont le principal bénéfice des tables d'hôtes. Mais une fois que le substitut avait quitté la table, on se rattrapait et les plaisanteries pleuvaient de rue. « Tu sais, Leroux, je voulais t'offrir une bouteille de champagne, mais le magistrat aurait empêché le bouchon de partir. Demain, nous ferons mettre une bouteille près de lui. Je parie qu'en un quart d'heure, elle serait frappée. » Et cependant, ce jeune magistrat, en apparence si plein de morgue, si correct dans sa tenue, si froid dans ses manières et dans son langage, était en réalité une âme tendre et passionnée. Si la nuit, alors que sa lumière brûlait, pour la plus grande exaspération des habitants de Condé, un de ses curieux avait pu pénétrer doucement dans sa chambre et se pencher par-dessus son épaule, il aurait vu que le substitut du procureur impérial, si austère lorsqu'il était assis sur son siège de ministère public, ne passait pas ses nuits courbées sur des livres de droit. Devant lui, sur sa table, était ouvert un petit volume, dont les lignes étaient d'inégale longueur, et c'était ce volume qu'il lisait en prononçant les mots à demi-voix sur une lente mélopée. Ou bien, s'il écrivait, le curieux aurait vu encore que ce n'était point des annotations à un dossier, ou bien des conclusions fortement motivées qui tombaient de sa plume, mais des lignes analogues à celles du volume, c'est-à-dire de longueur inégale. Chose extraordinaire, prodigieuse, stupéfiante, c'était des vers qu'il lisait, des vers qu'il écrivait. En lui, en effet, il y avait deux hommes différents l'un de l'autre, le magistrat, qu'il montrait à tout propos et même hors de propos, et le poète, qu'il cachait soigneusement.